Le billet d'humour d'Audrey Charlot. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver tous en patin. Et si on s'offrait une nouvelle jeunesse avec le roller skating ? Encore ringard il y a 6 mois, le patin à roulettes a envahi rues et réseaux sociaux. Tu te rappelles sûrement de tes premiers rollers Fisher-Price. Puis après 2-3 gamelles, tu t'es dit que plus jamais tu chausserais ce genre de conneries. Sauf qu'on est en 2020 et que le roller est devenu la discipline dans le vent. Et oui, je pense qu'on a terriblement besoin de retrouver ce parfum d'enfance, de régresser un petit peu. Et c'est vrai que le roller procure un sentiment de liberté qui est devenu une richesse cette année où nous avons été limités dans nos mouvements. Les réseaux sociaux ont permis cet engouement et notamment les stars comme Ashley Graham qui nous a ressorti sa paire du lycée et qui l'a partagée sur Insta. Il y a aussi Oumi Janta, une berlinoise d'origine sénégalaise qui poste des courtes vidéos d'elle en train de faire du roller, le tout sur un fond d'électro et ça dépote. Alors c'est sûr que moi je fais ça, ça va être beaucoup moins gracieux, on serait plus proche de vidéo gag. Alors ma question c'est, est-ce que le roller va détrôner la trottie ? Depuis le déconfinement, on compte de plus en plus d'adeptes du roller taf. Tu prends tes rollers et tu taffes. Tu imagines le mec à haut poste, costard cravate, arrivé en roller ? Il manque plus que le cartable Bob l'éponge et on retourne à l'école. Quelle joie de régresser. Et très belle semaine à tous. La chronique de Charlot, à retrouver en podcast sur itswanradio.com.